Alors bonsoir, chers auditeurs, et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde et Marc Chaunet à l'animation et au choix musical pour ce 2 heures consacrées au rock progressif d'aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, ben il y a pas mal de bon rock progressif à Québec encore en 2014. Et il y a la convention Terra Incognita, donc organisée par Michel et l'équipe de Terra Incognita. La convention Terra Incognita 2014, 10e anniversaire déjà, ça fait 10 ans qu'on est avec vous, c'est la même chose pour l'émission. Et le magazine d'ailleurs, il y a le nouveau magazine numéro 38 qui vient de paraître. Et il y en a un qui se prépare là, qui devrait être prêt d'ici 2 à 3 semaines, puisque dans 3 semaines déjà, c'est la convention, donc les 16, 17 et 18 mai. Prochain au Centre d'art La Chapelle à Québec. Ça débute avec Iz, la formation américaine, le vendredi soir. Mais pour débuter, il va y avoir Gadi Kaplan, qui est originaire de l'Iran et qui habite maintenant à New York. Donc un excellent guitariste qui va ouvrir avec un court numéro. Il y aura Inner Odyssey de Québec en spectacle et Iz, la formation américaine Iz, qui sera là pour nous présenter leur nouvel album qu'on n'a pas entendu encore. Ça va être une primeur et il va être prêt pour l'occasion. Ils vont donner un grand concert et j'ai très très hâte. C'est un groupe qu'on avait beaucoup aimé quand on les a vus à la convention par les années passées. Et j'ai très hâte de les revoir. Et il y aura d'ailleurs une pièce de Iz pour débuter, tirée de l'album Crush of Night, qui est leur plus récent, la pièce Words and Miracles. Et ce sera suivi de Glasshammer qui sera donc le 17 mai en tête d'affiche. C'est encore une journée avec des groupes américains. Il y a Third Degree et il y a le groupe de Québec, de Montréal en fait, le groupe Néodym qui ouvrira environ 5 heures. Le samedi 17 mai et donc le 18 mai c'est les Italiens. Ça débute par Sonus Umbra qui sont à l'origine du Mexique mais américains maintenant. Il y aura donc le doublé italien avec Fabio Zuffanti qui vient nous présenter ses 20 ans de musique dont Finistere, La Maschera di Cera et Ostonaten, et on aura une pièce de La Maschera di Cera dans le premier bloc. Et d'ailleurs, il y aura également Unreal City, qui est un nouveau groupe, donc des jeunes de l'Italie, qui seront également là le dimanche 18 mai prochain, donc la convention Terra Incognita. Pour débuter l'émission, donc Iz, ce groupe américain, tiré de Crush of Night, la pièce Words and Miracles. Et ensuite, il y aura une pièce de Glasshammer d'un disque qui n'a jamais joué à l'émission. Il faut dire qu'ils en ont 15. Ça, c'était leur 10e, paru en 2009. Un album intitulé « Three Cheers for the Broken-Hearted ». Et il y a d'excellentes pièces sur ça. Donc, ils ont dit qu'ils en joueraient certainement au moins une pièce de cet album-là. Et c'est un album où c'est pas toutes les pièces qui sont bonnes, mais franchement, il y en a que c'est vraiment excellent. Vous en constaterez de vous-même avec la pièce Hyperbole, donc de Glasshammer sur Three Cheers from the Broken Heart. Faut dire qu'ils ont réalisé 5 albums depuis cet album-là, et dont le plus récent Hold to Echo qui nous sera présenté donc au Centre d'art La Chapelle le samedi 17 mai prochain. Alors il y aura une pièce de ça, et il y aura également une pièce du plus récent album de La Maschera di Cera, l'album Le Porte del Domani, avec la pièce Ritrono dal Nulla et Nulla. Et donc La Maschera di Cera, ça c'est un grand groupe qu'on aime depuis le début de Terra Incognita. C'est un groupe qui fait paraître son premier album en 2002. Donc en 2003, quand on a commencé l'émission, c'était dans les nouveaux groupes, les nouveautés. C'est vraiment le regain du rock progressif des années 2000. Alors on aura une très belle pièce de La Maschera di Cera après Glasshammer et Iz. We'll be right back. talk to me, to let me see the way for all your promises. I bet you've lost your faith in fate, your faith in fate. They're nothing and they're everything to me.

Felt, marin, aux prix les plus avantageux. Une équipe de spécialistes et des conseils judicieux. C'est l'expérience que vous vivrez en vous rendant à la boutique Le Pédalier, 99 boulevard Bastien, Wendake, via Robert Bourassa Nord. 418-842-2734. Pédalier.ca. Au lieu de plaisir, de rencontres et de culture à Québec, le Sacrilège, votre bar de quartier, prépare sa terrasse pour l'été. Au cœur du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, cette institution bat au rythme des activités artistiques qui y sont présentées. Venez profiter des nombreux spéciaux offerts tous les jours. Rendez-vous au 447 rue Saint-Jean. Le Sacrilège, fier partenaire de CKRL, félicite la station pour ses nombreuses années de service. De retour avec Bruno et Marc, et ce premier bloc musical s'est terminé avec la musique du groupe italien La Maschera di Cera, et derrière ça il y a Fabio Zuffanti qui sera à la convention Terra Incognita, donc le 18 mai prochain au Centre d'art La Chapelle, avec Unreal City et Sonus Umbra le dimanche, et le samedi il y aura Glass Hammer qu'on a entendu juste avant, tiré de l'album The Three Cheers for the Broken Hearted, paru en 2009, c'était la pièce Hyperball, et on avait débuté avec Iz, qui sera également de la convention Terra Incognita le 16 mai, donc au Centre d'art. Alors procurez-vous vos billets, il en reste encore, et attendez pas, parce que l'année dernière, à la dernière minute, il y a des gens qui n'ont pas pu y aller, puis ils ont regretté, et alors il faut... Attendez pas avant d'acheter vos billets pour la convention Terra Incognita. Parlant de spectacle, il y a également le spectacle de Simon Collins et Son of Contact, donc le fils de Phil Collins, le 30 avril au Capitole. Et il y a également le groupe de The Project, on a su ça depuis la dernière émission, donc au Festival d'été de Québec, et ils joueront avec le groupe Meridian, également de l'Angleterre. Alors Meridian et The Project le 12 juillet au Festival d'été, ça a été annoncé. Alors ça faisait 2 ans qu'il y avait eu un spectacle de qui touche le rock progressif, disons, au festival. Alors c'est une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Alors prochain bloc musical, nouveauté, Ian Anderson, vous connaissez Jet Rotal, ce vieux routier en est à son 6e album intitulé Homo Erraticus. C'est vraiment une suite à Thick as a Brick 2, c'est dans le même esprit. C'est un folk folklorique progressif, folk progressif. Donc l'album est Homo Erraticus, et on écoutera la pièce Dodgerland. Ce sera suivi du groupe canadien Drock Farbend. C'est leur second album, intitulé Second Sound. On écoutera la pièce Dandelion. Et ensuite, une nouveauté également de la Suède, le groupe Lost Kite. C'est leur second album, Tout, c'est le titre de l'album. Et ce sont deux frères, donc Stéphane et David Carlson, de la Suède, qui réalise cet album étonnant. Il y a plein d'ambiances intéressantes, c'est spécial. On écoutera la pièce Broken, donc de Lost Kite. Alors allons-y tout de suite en musique avec ces trois groupes, Ian Anderson, Drock Farbend et Lost Kite. Footsteps o'er the Dodgerland, chase retreat in ice and snow. Left us breathing high and dry, lands in this cup of flow. The seeds of Albion wind blow free, scattered to the moors. Dodgerland beneath the soggy deep, a west outer oaks will grow. On across the Dodgerland. To another place, a place to raise a roof, and these four walls to shelter us upon. this earth is round the secret. I land alone, aloof, all across the darker land, all across the polar tides, across with boar and elk and wolves, take the islands near and wide. Cost a fellow overkill. One farmhouse's in Tuscany challenge winter's will. We pensionable geriatry, sun creased, drink his blood. For this earth, this realm, this aching flood, a burial ground to fill. All across the darker land, all across before the tides, across with luggage, kits and sunscreen, melted mortgage, dreams that die. All across the darker land, all across before the tides, across with boar and elk and wolves, take the highlands near and wide. We'll be right back. distant force. Time seems far, she touched my face. I rest my head, I rest my case. Speechless. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Enfin, le printemps est arrivé pour vrai. La neige fond, la verdure apparaît, les oiseaux chantent et CKRL prépare sa programmation d'été. Vous avez envie de faire de la radio et de partager vos connaissances musicales avec nos auditeurs? C'est temps de nous faire parvenir vos projets d'émissions pour la saison estivale. Juin, juillet, août et un petit peu de septembre. Prenez le contrôle des ondes à chaque semaine. Proposez une émission sur ckrl.qc.ca et remplissez le formulaire dans la section « Proposer une émission ». Faites vite, la date limite est le 4 mai prochain. Cette semaine au cinéma Le Clap, voyez... 9 mois ferme, Le Coq de Saint-Victor, Dur à cuire, El Bulli Cooking In, Enemy, Fermière, Garçon et Guillaume à table, Ma maman est en Amérique, La Marche, Opéra national de Paris, La fille du Far West, Quai d'Orsay, Rio 2, Les saveurs du palais, Tel père, tel fils, The Grand Budapest Hotel, Tom à la ferme, Transcendance, Un week-end à Paris, Une autre vie. Consultez l'horaire complet sur leclap.ca. Le Clap, le cinéma d'ici, d'ailleurs et bien plus. Les artisans de la Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bières pression à fermentation haute. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. De retour avec Bruno et Marc pour l'émission Terra Incognita consacrée au renouveau rock progressif. Ce qu'on a entendu juste avant la pause, c'est un groupe italien, Taproba. C'est leur plus récent album, Stigma, qui est instrumental, sauf une partie vocale très courte dans une des trois pièces. Et c'était la pièce Lo Sguardo di Emily. Donc, de ce plus récent de Taproba. Juste avant, il y avait eu Lost Kite de la Suède. Alors, c'est les deux frères Carlson, Stefan et David, qui ont. Donc, c'est leur second album, c'est la pièce Broken. Et il y avait eu également Drockfarben de Toronto. Vous avez pu remarquer le violon électrique dans ça avec c'est des consonances. C'est comme s'il y avait Eddie Jobson qui rencontrait Yes et qui faisait un disque dans les années 70, mais c'est tout à fait actuel. Il y a plein de styles très actuels dans ça, même si c'est un son à la Yes. Donc Drockfarben, et il y avait eu également Ian Anderson de son plus récent Homo Erraticus et la pièce Doggerland. Alors, on poursuit maintenant avec une nouveauté de la France, le groupe Lazuli. C'est leur nouvel album « Tant que l'herbe est grasse ». Ça vient tout juste de sortir et c'est leur cinquième album depuis 2004. Moi, j'avais beaucoup aimé en 2007 leur... le titre ne me revient pas. Il y a sur ça Claude Loretti qui a eu un accident et qui s'est inventé un instrument qui est une guitare finalement électronique, donc qui l'appelle la Léode. Donc on écoutera de leur nouveau disque de la Julie, la pièce Dérail. Et c'est distribué en France donc par Build by France, ou l'étiquette Build by France, où on peut se procurer cet album-là, donc Tant que l'herbe est grasse de Lazuli. Ensuite, on se déplace aux États-Unis avec le nouvel album de Cyrus B. Cyrus B, qui est à l'origine un duo, et c'est leur nouvel album de Search for Joy. On aura un second extrait de cet album à l'émission, et ce sera la pièce Song of the Wind, donc Lazuli et Cyrus B. Et ensuite il y aura Chris qui est le guitariste du groupe Sky Architect, donc qui vient de la Hollande ou des Pays-Bas, et qui c'est son plus récent album, un extrait de son nouvel album Days of Summer Gone et la pièce Cold Heart. Alors on y va tout de suite en musique avec Lazuli, ensuite Cyrus B et Chris. la locomotive et les wagonnets qui suivent, avachis à leur place, bêtes à cornes lasses, attendent que les hommes passent, attendent que les hommes passent. Je m'émeus, je tressaille quand ce train en détresse arrive à grande vitesse. Dans les prés, on courbe les chines, mâchons la capucine tant que l'herbe est grasse, tant que l'herbe est grasse. Qui dira?

Mais les régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Ici Steve Huot, co-ambassadeur de la 3e édition de l'événement Québec Danse qui est présenté du 22 au 29 avril. 25 activités, chacune plus colorées les unes que les autres, vous sont offertes dans la région. Des sites extérieurs inusités, tout comme des lieux de diffusion traditionnels, accueilleront des artistes et des enseignants qui sauront vous insuffler le goût de partager avec eux leur passion. Profitez-en pour rentrer dans la danse en participant à une classe d'initiation dans l'un des nombreux styles proposés. Trouvez la programmation complète sur culture-québec.qc.ca. Bienvenue à tous. Hacking de vélo, comédie musicale russe, show de boucan, épidémie de rire, marché du zombie, le steak de Falardeau. Voyez ces activités et bien d'autres lors de la Manif d'art 7 du 3 mai au 1er juin. Ça commence à l'espace 400e Belle dans le Vieux-Port. Embarque dans la Manif d'art. En partenariat avec la CSN, avec la collaboration de Radio-Canada Québec et du RTC. C'est le grand retour de la Ligue d'improvisation musicale de Québec. Cette nouvelle mouture regroupe des musiciens ayant participé à l'ancienne Ligue, de même que des recrues issues de la scène musicale de la ville de Québec. À chaque rencontre, deux équipes de quatre musiciens improvisent sur des thèmes imposés par l'arbitre. Prochain match, lundi 5 mai à 19h30, alors que l'équipe Le Pantoum affronte les Bleus. $12 à l'entrée. Pour plus d'informations, visitez notre page Facebook. Alors, de retour avec Bruno et Marc, et ce qu'on a entendu juste avant, c'était Christian, qui est le guitariste de Sky Architect. Et c'est son projet solo, ça fait quand même plusieurs disques qu'il réalise. Days of Summer Gone, son plus récent, c'était la pièce Cold Heart qu'on a entendue. Juste avant, il y avait eu Cyrus Bay de leur plus récent album, The Search for Joy. C'est leur quatrième album depuis 2008. Et c'était la pièce Song of the Wind. Et le bloc avait débuté avec Lazuli de la France, tirée de leur plus récent album Tant que l'herbe est grasse. C'était la pièce, oui, Dérail, voilà. Et c'est une gracieuseté de la maison de disques Built by France qui également produit Mike Pointer Band. Si vous vous souvenez de Mike Pointer, c'était le batteur de la formation Meridian, les premiers disques Script for Jester Steer. Et ils ont réalisé un album en spectacle. On écoutera une pièce tantôt. Mais d'abord, on écoutera Museo Rosenbach, un grand retour. Ils avaient fait un seul album réalisé en 1974, un groupe italien légendaire. Et ils ont donc réalisé un nouvel album en 2013, ou c'était en 73, ou 2013, 40 ans plus tard. Et l'album est Barbarica. On écoutera la pièce Fiore di Vendetta de Museo Rosenbach. Ensuite, donc, Mike Pointer Band. Vous savez que Marion sera en spectacle à Québec le 12 juillet dans le cadre du festival d'été. Ce sera vraiment pas les mêmes genres de chansons que ce qu'il y a sur cet album-là. Et il y a sur ce projet-là le chanteur qu'on a vu récemment avec Peter Gabriel pour The Security Project, qui chante sur ça. On écoutera la pièce Forgotten Sons, donc de cet album. Et mais on vous revient pour un mot de la fin. famiglie che erano il suo popolo, di tutto quello che aveva la sua gente, a lei restano solo il fuoco e il sangue intorno. Il fuoco e il sangue dentro. Violenza di fratello, un odio senza fine, totale come il silenzio calato sulla terra, per tutti gli anni che il cuore avrebbe voluto per battere a mare, per battere a mare. Sniper and fighter, death in Panna sits on the edge of the world as the camera starts to roll. Panoramic viewpoints resurrect the killing foe. Your father dreams will never be. He's one of the few that cares. Calling me and the Saracen's home from the safety of his living room chair. The forgotten sons. Forgotten sons! As I patrol in the valley of the shadow to go, I must speak evil. For I am but mortal, and mortals can only die. Asking questions, pleading answers from the nameless faces, watches the parade, the carpeted corridors of Whitehall. Who alters desecration? Mutilation, verbal masturbation in the garden bureaucratic rooms. Minister, minister, care for your children. Order them not into damnation to eliminate those who would trespass against you. For whose is the kingdom? The power, the glory. Approach. Bomb is on. tiré de l'album Meridian Script Revisited par le Mike Pointer Band. C'était la pièce Forgotten Son. C'était une pièce qui apparaissait sur Script for Jester's Tear, le premier album de Meridian, en 1983. Et c'était donc tiré de cet album double en spectacle qui vient de paraître et qui est distribué par l'étiquette Built by Friends. Alors, .com, allez faire un tour sur Internet. Juste avant, donc, on avait eu Museo Rosenbach, un grand retour, un très bel album, Barbarica, la pièce Fiore di Vendetta. Et, ouais, franchement, ça valait la peine qu'il fasse un autre disque. Alors, pour terminer, pour faire une transition avec l'autoroute, Vincent et Jacques sont là, et l'auto, ça se prépare sur les ondes de CKRL. Vous allez rester avec nous pour la nuit, pour en musique, la très bonne musique à CKRL. On va terminer avec Playing the History. Quand on a assisté au spectacle de The Watch récemment, il y a le guitariste de The Watch, Giorgio Gabriel, qui... il y avait sa conjointe qui était là, qui vendait des disques. Alors, il y avait un disque de qui s'appelle Playing the History. C'est donc un projet de Marco Lomuschio et sur lequel donc Giorgio Gabriel fait de la guitare sur presque toutes les pièces, mais il y a également John Hackett qui est là sur presque toutes les pièces aussi à la flûte, donc c'est le frère de Steve Hackett. Il y a Steve Hackett sur ça, il y a également David Jackson, et bien, ils ont fait une reprise de Pink Floyd, The Great Gig in the Sky, où on entend Jackson là, qui fait vraiment, ça va être intéressant. Donc ça va faire une belle transition avec l'autoroute où on se transporte dans la musique des années 70. Alors ça s'est paru cette année là. Ça vient tout juste de paraître. Donc Playing the History, on termine avec The Great Gig in the Sky, et on vous souhaite une bonne semaine. C'était donc Bruno Côté et Marc Chaunet avec vous depuis 22h en ce 19 avril 2014. Alors on vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.